je préfère quand même le parlant, hein, parce que c'est... Il fallait lire, hein, ouais. Parce que c'était sous-titré. Sous-titré, donc c'était... Alors il fallait lire, hein. Alors là, il y avait des personnes âgées qui ne savaient pas lire à l'époque. Alors il y avait... Il y avait des fils ou les filles, hein, les petits-enfants, qui lisaient à haute voix à la grand-mère, au grand-père, ce qui se passait, quoi. Ouais, donc il y avait quand même une difficulté pour... Moi, ça, ma foi, je le lisais pas, le regardais, mais il y avait beaucoup de... On entendait dans la salle les gens qui lisaient à leurs parents, à ceux qui ne savaient pas lire et qui ne comprenaient pas. Donc il devait y avoir un certain bruit dans la salle. Ah oui, oh là là, il y avait du bruit ménage. Et il y avait personne qui réclamait le silence ou genre, Non, c'était tout le monde qui... plus ou moins, bien sûr, on lisait, mais à voix basse, quoi, hein. Mais vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui lisaient, ça faisait un petit... Donc pour vous, je veux dire, le cinéma parlant, il a été très bien reçu, accueilli. Oui, mais il n'y avait plus cette chaleur de famille. Avec le parlant, ça faisait un froid, quand même. C'est vrai, ça faisait un froid, parce que là, on lisait... on avait un lien, il y avait un contact. Un contact, voilà, vous voyez. Tandis que, et dès que le parlant est venu. Et le parlant, alors bien sûr qu'il y avait beaucoup plus de silence. Les salles, il y avait moins de bruit. Parce que alors, surtout qu'il y avait des planchers, ça faisait. Quand il y avait les cow-boys, on rigolait. Pendant les films d'amour, là, on ne devait rien entendre. Alors non, mais on entendait des gens qui lisaient. On lisait parce que c'était sous-titré. Et les films comiques, alors je veux dire, c'est tout le monde riait. Il n'y avait pas de retenue. Si on avait envie de rire, on riait aux éclats. Ça faisait un chahut. Alors quand il y avait des films, un bonhomme voulait tuer l'autre. Alors dans la salle, on entendait déjà pousse-toi, il va te tuer, il va te tuer. C'était vraiment énorme. Ah, c'était formidable. Moi, j'aime bien cette ambiance-là parce que alors, je sais pas, maintenant ça n'existe plus ça. On n'entend pas les gens qui disent. Mais là, pousse-toi, va là-bas, il va te tuer. Vite. On se mettait dans la peau des personnages, vous voyez.